La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une vie de plante ? Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme, notait Anatole France qui, en l'occurrence, y allait peut-être un peu fort. Reste que les plantes ne sont pas des choses. Elles vivent. Elles vivent bel et bien, au moins de façon dite végétative, si les mots ont encore un sens. Mais tentons d'être plus précis. En quel sens vivent-elles ? Par exemple, peut-on dire des plantes qu'elles ont un corps, qu'elles possèdent un corps qui leur est propre ? Si la réponse à cette question est négative, est-il légitime d'avancer que les plantes souffrent ? Si on considère que oui, les plantes souffrent, alors faut-il remanier la signification du verbe « souffrir » pour tenir compte de l'éventuelle spécificité de la souffrance végétale ? Sauf à considérer que les plantes peuvent souffrir comme les animaux et autant qu'eux. Posons la question autrement, d'une façon dont je reconnais volontiers qu'elle est un peu lapidaire. Est-il plus éthique de faire souffrir une carotte qu'un lapin ? Pour répondre à cette question, j'ai invité Florence Burga. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, directrice de recherche à l'INRAE. L'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et vous êtes affectée, je crois que c'est le mot, aux archives Ousserl à l'ENS. Oui. Voilà, je vous avais reçu il y a quelques temps pour parler des animaux. Vous aviez publié un livre intitulé « Une autre existence, la condition animale ». Et vous publiez cette fois-ci un livre qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une plante ?» et qui répond directement à la question posée. Et qu'est-ce qui vous a fait passer de la question animale à la question végétale ? Alors, ce qui m'a fait passer de la question animale à la question végétale est une certaine exaspération qui provient du fait que, en raison de deux best-sellers essentiellement, est entré dans les esprits de tous, a pénétré dans l'opinion commune l'idée selon laquelle il n'y aurait pas du tout de différence entre les plantes et les animaux, voire entre les plantes et les humains. Alors peut-être il faut mentionner ces deux best-sellers, « La vie secrète des arbres » écrite par le forestier Peter Volleben, qui est un succès médiatique sans précédent, qui est traduit dans plus de 30 langues, et le livre du biologiste italien Stefano Mancuso, « L'intelligence des plantes ». Ces deux auteurs, en effet, ont diffusé, popularisé avec beaucoup de succès, une sorte de récit très anthropomorphe des arbres ou des plantes en général, en leur attribuant les mêmes caractéristiques non seulement cognitives, mais aussi affectives. Volleben attribue aux arbres des sentiments tels que vouloir jeter l'éponge, préférer sa petite cousine Germaine à son cousin éloigné. Enfin bon. Et bien sûr, on peut se demander pourquoi aujourd'hui ces discours ont été pris au pied de la lettre aussi. Et pourquoi ils ont eu autant de succès ? Pourquoi est-ce que cette idée finalement semble plaire ? Oui, pourquoi est-ce que cette idée semble plaire ? Alors ça, c'est vrai que je l'aborde au terme de la présentation. Et je fais l'hypothèse que, à l'heure... Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord un attrait pour une forme de néo-animisme, peut-être à l'heure où on voit un recul de certaines religions traditionnelles, l'anthropomorphisation des plantes, qu'encore une fois, il ne faut pas du tout confondre avec des images plus littéraires par lesquelles les plantes sont décrites par certains auteurs et contre lesquelles je n'ai absolument rien. Donc un néo-animisme qui est aussi nourri par une critique très marquée en anthropologie aujourd'hui qui vise à dénigrer fortement l'Occident comme étant voilà la puissance destructrice de tout ce qui n'est pas elle, au profit de sociétés dont je pense qu'elles sont largement fantasmées, qui, elles, auraient été, en revanche, harmonieuses, qui n'auraient rien détruit, jamais porté atteinte à leur environnement, etc. Donc, qui sera en connivence avec la nature. Voilà. Bon, on sait que ça n'existe pas. Mais voilà, il y a tout ce travail-là aussi d'une anthropologie très critique de l'Occident, donc au profit de modèles largement fantasmés, qui attribuent aussi, par une forme d'animisme, une vie cognitive, des intentions, une vie secrète, ça, aux plantes. Et puis, le troisième élément qui me semble le plus grave, parce que tout ça n'est pas bien grave, à vrai dire, c'est de constater que c'est toujours lorsque l'on évoque la souffrance des animaux que vous vous entendez rétorquer, et les plantes, elles souffrent elles aussi. Et on peut se dire que c'est précisément au moment où semble surgir enfin une inquiétude, dont parlait très très très bien Jacques Derrida dans ses derniers ouvrages, une inquiétude dans nos sociétés qui sont de mieux en mieux informées du traitement que nous réservons aux animaux. Comme par hasard, ce discours sur les plantes vient, d'une certaine manière, couper l'herbe sous les pieds d'une défense des animaux, d'une mise en question de ces traitements et de leur mise à mort. Et vous avez donc aussi certains de mes collègues qui avancent qu'il n'y a pas de différence entre la souffrance d'un lièvre et la souffrance d'une carotte, ce que vous avez évoqué en introduction. Et Peter Volleben lui-même, dans les dernières pages de son livre, dévoile, à mon sens, la réelle intention de son travail lorsqu'il dit « Cher lecteur, vous qui êtes en train de lire au coin du feu, vous avez entre les mains, avec les pages de votre livre, les copeaux qui ont été arrachés à tel arbre, la bûche qui crépite est un cadavre, est-ce pour autant blâmable ?» Et à ce moment-là... Mais il ne parle pas des sapins de Noël. Il ne parle pas des sapins de Noël, mais voilà, ça entrerait dans son argumentation. Et à ce moment-là, il dit, est-ce vraiment blâmable? Non, tout souffre dans la nature, donc peu importe que nous fassions souffrir, nous ne pouvons pas faire autrement. Et il demande pour les arbres ce que finalement on ose à peine demander pour les animaux, c'est-à-dire de mourir dans la dignité. Donc je pense que cette affaire de fascination pour les arbres, qui peut sembler après tout ne pas manger de pain, si je puis dire, cache une intention très problématique, c'est-à-dire de réduire à néant l'inquiétude que nous pourrions avoir concernant le fait que nous nous tuons et donc mangeons les animaux. Florence Burger, dans votre livre donc qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une plante ?» et qui a comme sous-titre « Essai sur la vie végétale », vous citez justement quelques extraits de celui dont vous avez parlé, « L'intelligence des plantes » de Stefano Mancuso, qui dit ceci « À l'instar des animaux, les plantes manifestent des différences de personnalité. Elles ont des rapports familiaux, des comportements altruistes. Elles savent convaincre les insectes de leur servir de postier. Certaines sont d'une loyauté indéfectible. » Tandis que d'autres en viennent à escroquer les insectes qui les aident. Bref, comment douter que les plantes soient dotées d'une formidable capacité de manipulation? Là, il y a une projection de l'espèce humaine sur ce que peuvent vivre et ressentir les plantes. Oui, parce que si vous voulez, le problème de cette description, on pourrait se dire, parce que Volleben, alors là vous citiez Mancuso, Volleben a écrit un livre pour les enfants. Alors je ne sais pas dans quel terme il s'adresse aux enfants, puisqu'il s'adresse aux adultes en utilisant ces mêmes images que l'on retrouve donc pareillement chez Mancuso, qui prête des sentiments assez complexes. Donc quelle est l'idée de derrière la tête d'un biologiste qui, au lieu de décrire ces réactions qui sont en fait des réactions physico-chimiques et non pas des décisions, des intentions, des sentiments, y compris des sentiments ambivalents, quel est le but? Donc soit on utilise effectivement des images, des métaphores et on les assume comme telles, soit on écrit un texte scientifique, mais là, le problème de ces images, c'est que elles ouvrent le règne de l'indistinction, c'est-à-dire qu'on ne peut plus penser aucune différence entre les règnes végétaux et animaux. On peut quand même invoquer une sorte de principe de continuité qui permet d'établir, au moins entre les extrémités de la chaîne, une sorte de différenciation. Alors ce principe de continuité apparaît bien sûr sur le plan le plus bas, le plan physico-chimique, puisque nous-mêmes sommes bien évidemment aussi régis par ces, par ces principes de l'infiniment petit, du premier niveau de l'analyse. Si on reste à ce niveau de l'analyse, en effet, nous sommes dans l'embarras pour penser la distinction. Mais quand on dit que les plantes sont des êtres vivants, ce qui semble acquis, est-ce que ça implique une définition de la vie qui est une sorte de conception très dégradée de ce qu'on appelle la vie ? Alors c'est tout le grand problème et toute la grande difficulté. C'est l'objet de votre livre. Oui. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à penser une absence d'unicité de la vie et dire que dans la mesure où les plantes, contrairement aux animaux, et là j'emploie animaux au sens large en incluant l'humain, est-ce qu'on a donc une scission de cette unicité de la vie dans la mesure où les êtres vivants, animaux, sont nés un certain jour, subissent le temps d'une certaine manière, vivent leur vie et meurent. Dans la mesure où la naissance de la plante n'est pas très claire, puisqu'elle peut venir d'une graine qui a séché et donc être une espèce de renaissance, parce qu'elle se propage par division. Tandis que ça veut dire qu'elle n'est pas morte, en l'occurrence. Ça veut dire qu'elle n'est pas morte. Elle a l'air d'être morte, mais elle n'est pas morte. Une plante a l'air morte, mais en fait, elle continue sa vie sous terre sans que nous puissions la voir, et tout à coup, nous la voyons renaître. Les arbres, ai-je lu sous la plume des botanistes, sont potentiellement immortels. En fait, un arbre s'arrête de croître pour des raisons physiques, ou bien meurt pour des raisons qui sont extérieures, en fait, un orage, du vent. Mais en fait, la plante pourrait croître indéfiniment. Elle n'est jamais terminée. Donc en fait, quand on regarde les critères qui caractérisent les êtres vivants animaux, entendus au sens large, et ceux qui caractérisent les êtres vivants végétaux, nous n'avons plus rien de commun, du point de vue en tout cas de la signification des vies et aussi d'un grand nombre de critères, mais il y a aussi des critères communs et il ne faudra pas esquiver évidemment cette difficulté. Si on suit la définition de Georges Canguilhem, un vivant est un être mortel qui est né un jour et qui va mourir un jour, alors les plantes ne sont pas des êtres vivants. Alors qu'est-ce qui nous permet de dire qu'elles le sont ? Quels sont les critères, quelles sont les caractéristiques de l'existence, disons, des plantes qui permettent de dire qu'elles sont vivantes ? Ben, en fait, c'est assez délicat. C'est assez délicat parce que leur mode de nutrition aussi n'est pas le même que celui des animaux. Elles n'ont pas de système digestif. Elles n'ont pas de système digestif. Elles sont autotrophes. Elles se nourrissent d'elles-mêmes grâce à la lumière du soleil et à la terre dans laquelle elles sont enracinées. Elles poussent. Donc la vie est partagée avec l'environnement, d'une certaine façon. La vie est partagée avec l'environnement. Elle ne s'en dissocie pas vraiment. Et ça va être évidemment la différence majeure entre les plantes et les animaux qui vont de ce fait explorer le monde. Donc ce qui apparente la plante à la vie, c'est cette espèce de poussée que j'ai décrite aussi comme indifférente, contrairement à la vie animale qui est affectée dans son être propre par ce qui lui arrive. La plante, bien sûr, peut subir les dommages. Trop de chaleur, pas d'eau, trop d'eau. Mais ça n'est pas une vie vécue. Elle n'a pas de tristesse ou d'inquiétude, contrairement à ce que disent donc les auteurs que nous avons cités. C'est une vie qui pousse, qui continue de croître dans une forme d'indifférence. Mais est-ce que ça voudrait dire, Florence Burga, que les plantes ont une vie, mais elles n'ont pas d'existence ? Je me souviens que dans votre livre précédent sur la condition animale, vous rappelez qu'Aristote avait distingué deux façons d'être vivant. Il y a d'une part la vie végétative, qu'il appelait Zoé, qui se maintient dans un échange avec le monde extérieur qui est réglé de manière invariable. Et il y a d'autre part, dit-il, la vie qui intègre l'expérience vécue et qu'il appelle Bios. Oui. Et donc c'est une sorte de capacité à raconter sa vie qui définit l'existence. Alors que la vie végétative, elle est portée par le milieu, elle est déterminée par l'environnement. Il n'y a pas d'autonomie du sujet, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de mémoire. C'est exactement ça. Elle est entièrement déterminée par le milieu. Elle ne répond pas librement aux déterminations du milieu, mais elle réagit. Alors certes, cela ne n'interdit pas d'être ébloui par la beauté des plantes, par etc. etc. Et je ne nie pas, bien évidemment. Vous avez un jardin. Toute cette dimension, et peut-être on lui donnera place. Mais vous êtes d'accord pour dire que les animaux ont une vie qui relève du bios d'Aristote, c'est-à-dire sont des sujets de vie capables d'avoir une sorte de récit d'eux-mêmes. Oui, je suis évidemment tout à fait défenseuse de cette idée. Alors, on pourrait nous dire, mais est-ce qu'on peut attribuer une vie biographique à une éponge, à une arapède? Et comme le montre Bergson ou encore Plessner, il y a bien évidemment des zones, des états intermédiaires dans toute la chaîne des vivants. Il n'y a pas une polarité qui se manifeste de façon toujours claire et distincte. Donc il y a des animaux qui sont à la croisée de la vie végétative et de la vie sensitive, mais cela n'amoindrit pas l'idée essentielle que l'on doit se faire conceptuellement des différences entre ces deux règnes. Alors, je me souviens aussi que vous citiez Merleau-Ponty dans son livre « La structure du comportement » qui écrit « L'animal, dans une mesure variable selon l'intégration de son comportement, est bien une autre existence. Cette existence est perçue par tout le monde, elle est un phénomène indépendant de toute théorie notionnelle sur l'âme des bêtes. » Et est-ce que vous diriez la même chose des plantes? Autrement dit, est-ce que on a affaire à quelque chose qui est perçu par tout le monde et qui serait indépendant de toute théorie sur, disons, leur conscience? Alors, ce que nous percevons tous concernant, pour ce qui concerne les plantes, c'est évidemment leur transformation au cours de cette poussée, selon les saisons, la floraison, les fruits, le dessèchement. Et je crois que quand les gens qui ont des plantes à la maison et qui s'en occupent avec soin et qui disent « je leur parle, cela leur fait du bien », je pense que c'est évidemment une façon métaphorique de s'exprimer et qu'on peut penser que les gens qui parlent à leurs plantes sont des gens tout simplement qui sont attentifs à l'état de santé de la plante et qui donc lui apportent ce dont elle a besoin pour continuer à croître. Je crois qu'il n'est clair absolument pour personne que les plantes ont une existence, c'est-à-dire une biographie. Car pour avoir une existence, il faut effectivement, comme on le dit, vivre sa vie en première personne. Je ressens la vie que je mène. Et Merleau-Ponty, en utilisant le terme d'existence en pleine époque existentialiste, produit là un concept assez fort, d'autant que dans Les Causeries, en 48, il reprend l'idée même encore plus forte hein, en disant que les animaux ont une existence jetée. Donc on voit qu'il reprend ce vocabulaire existentialiste qui, dans la tradition française et pas seulement, est vraiment le critère distinctif de l'humanité. Là, on voit donc que Merleau-Ponty a un geste philosophique très fort en parlant de l'existence animale, d'une existence jetée, c'est-à-dire d'un sentiment, ce sentiment peut-être d'être apatride dans le monde, qu'on ne peut pas, bien évidemment, attribuer à la vie végétale, qui, elle, est au contraire pleinement intégré. Donc ce que vous voulez dire, si je comprends bien Florence Burga, c'est que les plantes ont une vie, mais elles n'ont pas d'existence au sens que vous avez défini. Et pourtant on pourrait dire que la vie végétale, c'est la vie à l'état pur. Quand on voit une plante qui arrive à s'infiltrer au travers de surfaces bitumées, on a l'impression qu'elle a une sorte de vitalité essentielle qui donne l'impression qu'elles sont très déterminées dans leur vie. Dans leur vouloir vivre, si j'ose dire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. On peut qualifier la vie végétale précisément par cette poussée que rien n'arrête. Et en effet, quand on voit sourdre une plante dans le bitume ou dans des pierres, on se demande où elle trouve ce qui leur est nécessaire pour apparaître et pour persévérer. Et donc, ça, cela encore nous éloigne considérablement des plantes, parce que la vie animale, encore une fois entendue au sens large, incluant l'humain, c'est une vie qui est toujours inquiète d'elle-même, qui est toujours, qui est extrêmement vulnérable. Alors vous me direz, les plantes aussi sont vulnérables, on peut écraser une herbe avec sa chaussure, mais elles ne le sont finalement pas du tout, puisqu'elle trouve toujours le moyen de persévérer, y compris dans des environnements qui ne leur sont pas appropriés. On a envie de dire qu'elles sont courageuses. Ben non, je crois qu'elles ne sont pas courageuses. Mais enfin, personne ne peut se mettre à la place d'une plante, vous êtes d'accord? Non, je pense que personne ne peut se mettre à la place d'une plante. Alors, qui a défini les plantes comme des animaux debout? Ça revient à considérer qu'elles ont... Ça, c'est vraiment une image pour dire que ce qui est important dans la plante, c'est la racine. Alors que pour les animaux, c'est la tête. Mais on voit des plantes qui refont des racines, même si on les plante à l'envers. Donc ça aussi, c'est vraiment une forme de, je dirais, d'indifférence. Vous dites que les principes de la nutrition des plantes opèrent depuis le bas pour aller vers le haut, où se trouvent les feuilles et les fleurs. Donc la nourriture, en fait, suit une trajectoire montante, verticale. Voilà, et pour les animaux, c'est l'inverse. Est-ce que j'ai le droit de parler de la fatigue d'un arbre? Quand je vois, par exemple, un pommier qui se courbe parce que le poids des fruits est trop grand, est-ce que c'est de la projection ou est-ce que lui ne ressent aucune espèce de fatigue? Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il ressente de la fatigue. Mais on peut en même temps comprendre... Il a l'air fatigué. Voilà, que cette image nous vienne à l'esprit, puisque la seule forme de vie que nous connaissions, c'est la nôtre, c'est-à-dire une vie vécue. Quand je suis fatiguée, la fatigue n'est pas à côté de moi. Je suis ma fatigue. Donc quand je vois effectivement un arbre qui croule, eh bien, de façon immédiate, je ressens... l'image qui me vient, ce serait si moi j'étais chargée comme il l'est, je croulerais sous ce poids. Et forcément, nous projetons le seul modèle de vie que nous connaissons, c'est-à-dire le nôtre. Et on voit très bien qu'il y a une grande difficulté à décrire la vie végétale, puisque, et certains le disent, et en particulier Jacques Tassin, je trouve, est très précis sur ces questions, il nous faudrait inventer un vocabulaire, mais nous ne pouvons même pas le forger, parce que nous ne pouvons pas nous mettre à la place d'une plante. On ne peut même pas imaginer ce qu'il faudrait dire pour exprimer l'impression que nous avons que l'arbre est fatigué. Ça, je pense que oui, bien sûr, et ce serait plutôt le travail de la littérature. Et je pense que, il n'y a aucun problème à décrire poétiquement la fatigue d'un arbre. En revanche, si on nous dit l'arbre est fatigué comme je suis fatigué, et c'est ça la vérité de la vie végétale, là on commet, je crois, des erreurs sur le plan épistémologique. Florence Burger, j'ai rappelé que vous êtes philosophe. Et est-ce que les plantes sont un sujet qui a beaucoup intéressé les philosophes ou est-ce que vous avez l'impression que le corpus philosophique finalement les marginalise? Alors les philosophes se sont relativement peu intéressés aux plantes. On les voit apparaître dès la classification aristotélicienne, puisque Aristote classifie la totalité du vivant. On voit au 19e des grandes discussions dont Schopenhauer restitue une partie, puisque lui-même, en fait, avait étudié la biologie, il connaît très bien la botanique de son temps, et il la discute donc de près. Il est déjà très critique de l'anthropomorphisation ou de la zoomorphisation des plantes. Mais on peut dire que c'est vraiment depuis quelques années, que la philosophie s'est emparée des plantes comme d'un nouveau sujet. Et il y a aujourd'hui un engouement, à mes yeux, tout à fait singulier, pour les plantes. Schopenhauer, que vous avez cité, qui considère que toute force de la nature est une volonté, et aurait été ravi de, peut-être qu'il l'a lu d'ailleurs, de lire cet article du Times que vous citez du 2 juin 1841. Oui, je le trouve dans son livre de l'art. Ah, c'est lui qui le cite. Oui, c'est lui qui le cite. Jeudi dernier, dans une de nos rues les plus populeuses, 3 ou 4 grands champignons ont accompli un exploit d'un tout nouveau genre en soulevant un gros pavé tant ils étaient avides d'accéder au monde visible. Voilà. Alors, les champignons, la pêche. En effet, Schopenhauer parle de volonté s'agissant des plantes, et on pourrait se dire, ne commet-il pas le même type d'erreur ? Et précisément, il définit son concept avec soin en disant que la volonté telle qu'il la comprend comme une force de la nature, hein, cette poussée végétale qui n'en finit jamais, doit être comprise de manière radicalement désubjectivée. Donc bien sûr, ce qui est toujours compliqué chez les philosophes, c'est que chacun va redéfinir les concepts qu'il va utiliser. Et en ce sens, Schopenhauer utilise un concept qu'on pourrait dire assez transcendantal pour décrire la vie végétale. Est-ce que on peut définir ce que certains appellent l'aveuglement aux plantes ? Qu'est-ce que c'est que l'aveuglement aux plantes ? C'est faire comme si elles n'existaient pas ? Oui, alors vous parlez d'un philosophe contemporain assez remarquable. Matthew Hall. Alors il y a ce philosophe, il y a aussi Michael Marder, mais alors oui, l'aveuglement aux plantes qui caractérise vraiment comment faut-il l'appeler ? Il y avait le tournant animaliste et maintenant il faudra appeler un tournant végétaliste en philosophie. Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas les plantes ? Il me semble qu'il est encore plus curieux de se demander pourquoi nous ne voyons pas les animaux. Enfin, passons. Pourquoi nous ne voyons pas les plantes, c'est pas radicalement étonnant. Nous ne partageons rien avec les plantes. Elles sont... nous ne partageons rien du point de vue de ce vivre, de cette existence que nous avons définie. En même temps, les plantes sont omniprésentes autour de nous. Elles sont absolument nécessaires à la vitalité des autres êtres vivants. Et nous pouvons aussi ressentir un grand bien-être, une grande paix lorsque nous sommes entourés de plantes. Et je pense que ce bien-être vient précisément du fait que les plantes ne vivent pas la tragédie que représente l'existence animale. Les plantes sont tranquillement en train de pousser, indéfiniment en train de pousser, ce qui est évidemment l'inverse de notre condition. Et elles ne font pas de nous leur proie. Pas de nous leur proie. Et c'est pour ça que nous leur sommes finalement presque indifférents. Oui, nous ne risquons... Il n'y a pas de menace. Nous ne risquons rien de la part des plantes. Alors vous dites aussi, enfin, plutôt vous citez Canguilhem, la plante vit dans la nourriture. Oui, la plante vit dans la nourriture. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'elle ne peut pas se définir sans le milieu qui la nourrit ? C'est-à-dire qu'elle est véritablement enracinée dans sa nourriture. Si, alors on pourrait dire il y a des cultures hors sol, mais précisément on essaie de les enraciner dans une nourriture artificielle qui serait peut-être du coton imbibé d'eau et de pesticides, je ne sais pas. Mais la plante vit dans sa nourriture, c'est qu'elle n'est pas obligée de se déplacer pour aller la chercher. Et en effet, il suffit qu'elle soit dans la terre pour pouvoir produire sa propre matière. Mais cette condition assez singulière des plantes fait que, selon Canguilhem, justement, elles ne sont pas des individus, puisqu'elles ne sont pas en rupture avec leur milieu, elles ne peuvent pas se déplacer, et elles n'ont pas une sexualité qui leur permette de rompre avec leur lignée. Oui. Donc, est-ce qu'on a le droit de dire d'une entité qui n'est pas un individu qu'il souffre ? Ou même qu'il vit ? Mais c'est vrai que on peut aller jusque-là. Alors, je m'appuie sur une distinction que fait Renaud Barbaras entre la vie et le vivre, même si je pense qu'il ne serait pas du tout d'accord avec l'idée qu'on peut remettre en cause l'unicité de la vie. Et je m'appuie aussi sur un article tout à fait troublant de Hans Jonas, parce que nous connaissons peut-être d'abord Hans Jonas par le principe responsabilité, mais aussi par le phénomène de la vie. Et Hans Jonas pense les grandes contradictions qui apparaissent dans l'espèce humaine, mais aussi dans le monde animal, la liberté, la nécessité, etc., etc., dans le métabolisme, hein, l'activité de la première cellule. Je suis pas forcément d'accord avec cette idée, hein, mais bon, l'activité de la cellule qui se bat contre le monde extérieur pour pouvoir persévérer. Et Antionas a écrit un article sur les fondements de l'individualité où il avance une idée, je crois, tout à fait passionnante pour comprendre, hein, cette grande différence ontologique entre vie végétale et existence animale et humaine. Il dit qu'au fond, ce mécanisme du métabolisme est perdu pour tout ce qui concerne la vie végétale qui ne fonctionne pas du tout selon ce modèle. Elle n'a pas à se défendre contre une extériorité dans laquelle, au contraire, elle est insérée, dans laquelle elle puise tout ce dont elle a besoin. Donc, Jonas, en fait, remet en question l'unicité de la vie en pensant, d'un côté, le métabolisme cellulaire comme étant le premier moment de la vie animale et humaine, et de l'autre côté, un fonctionnement radicalement différent de la vie végétale. Comme s'il y avait, au fond, sur la Terre, deux formes tout à fait différentes de vie. Certaines personnes parlent à leurs plantes, d'autres leur font écouter de la musique. Est-ce qu'on a le droit de dire que les plantes sont mélomanes? Vous dites que non. Vous dites que les plantes détectent un phénomène physique objectif de nature vibratoire auquel il n'est pas honnête de conférer une autre signification que la dimension vibratoire. Il est donc bien hasardeux d'en déduire que les plantes entendent. Alors là, je vous citais, je cite donc Jacques Tassin, dont j'évoquais les travaux tout à l'heure. Qui a écrit « À quoi pensent les plantes ?» Voilà, et il faut quand même aussi dire qu'on peut faire l'éloge des plantes sans passer par l'anthropomorphisation ou la zoomorphisation des plantes. Et donc, en effet, la musique peut être bénéfique aux plantes, mais pas pour des raisons qui sont celles d'un goût pour tel ou tel musicien. Les plantes sont extrêmement sensibles, tout comme tout être vivant, aux ondes, aux vibrations, à tout un ensemble de phénomènes physico-chimiques auxquels elles réagissent de façon très complexe. Mais vous-même, Florence Burger, vous êtes mélomane, puisque vous avez choisi un morceau de musique que nous allons écouter. C'est une chanson italienne qui s'intitule « Che freddo fa », je l'ai bien dit ?« Che freddo fa ». Comme il fait froid. France Culture, la conversation scientifique. Étienne Klein. D'inverno il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che tornerà. Tu no. Florence Burga, Che Freddo Fa, une chanson italienne. J'ai l'impression que je n'ai rien compris aux paroles, mais j'ai l'impression que c'est une chanson d'amour. En tout cas, il y a à un moment donné de la chanson l'image d'un arbre qui a perdu ses feuilles et qui donc illustre le moment de solitude, du grand amour qui est parti. Et donc, nous avons... parce qu'il y a un visuel qui accompagne cette chanson aussi, l'image d'un, on l'entend aussi dans les paroles, d'un arbre qui n'a plus, qui a perdu ses feuilles au moment de l'hiver. Mais peut-être qu'il va ressusciter. Exactement. Alors on en parlait avant que d'entendre cette chanson, les plantes manifestement perçoivent des stimuli, elles réagissent à la lumière, elles réagissent au froid. Est-ce que ça veut dire qu'on peut les considérer comme des sujets percevants? Est-ce que ça va pas trop loin de considérer que ces stimuli, elles les entendent ou les voient comme des signes, comme des signaux qu'elles interprètent? Voilà, on se trouve devant une difficulté en fait récurrente parce que les plantes réagissent. Alors on peut employer là le terme de réagir plutôt que le terme de répondre. Réagissent en effet à différents stimuli. Et les biologistes sont dans l'embarras pour décrire ces tropismes. Donc on dégage des, on a défini tout un ensemble de tropismes à la lumière, à la chaleur, au froid, au toucher. La difficulté, c'est effectivement de se dire quel terme employer. Faut-il parler de sensibilité à la lumière? Faut-il dire que les plantes perçoivent? À ce moment-là, on se tourne vers les définitions de ces deux termes qui sont variables et qui sont larges aussi. Et on se dit que pour être sensible, enfin, ce qui définit la sensibilité, c'est tout de même le fait de vivre les expériences. Même si dans les dictionnaires de la langue française, on trouve des significations purement physicalistes de la sensibilité. En tout cas, en philosophie, le terme sensibilité semble inapproprié, puisqu'il implique une expérience vécue. Le terme percevoir, alors bien sûr, Leibniz parle des petites perceptions qui ne requièrent pas de conscience. Mais moi qui suis plutôt phénoménologue, j'entends perception plutôt au sens de Merleau-Ponty. Et on se dit que chaque sujet a sa propre perception. Chaque œil va donner des significations à ce qu'il voit. Et de ce fait, le terme perception ne semble pas non plus satisfaisant. Mais alors, que dire? On peut donc pas dire, par exemple, que les plantes voient la lumière, même si elles réagissent à la lumière. Voilà, on est dans l'embarras, encore une fois, ça rejoint... Mais est-ce qu'on peut pas simplement dire qu'on ne peut pas le savoir? Voilà, je pense que, dans la mesure où on ne peut pas s'interdire de parler, on peut, comme le font certains, signaler... cette grande difficulté épistémologique, nous ne disposons pas du vocabulaire approprié, nous allons l'employer dans tel et tel sens. Au fond, rien n'interdit de redéfinir certains concepts, mais dans des limites raisonnables. Si cette définition doit aller complètement à l'inverse des définitions traditionnelles de la notion, cela devient évidemment problématique. Et est-ce qu'on peut parler des plantes, de leur vie, sans adopter un vocabulaire, disons, finaliste, en disant qu'elles s'adaptent, elles décident, comme le fait Mancuso dans le livre qu'on a cité tout à l'heure. Il écrit « Les plantes ayant, quant à elles, décidé d'obtenir le meilleur résultat en demeurant immobiles, il leur a fallu chercher des solutions tout à fait originales, pour se nourrir notamment. » Oui, là aussi, ça va être aussi le grand... prisme philosophique par lequel on va parler de la vie et des vivants. Certains vont en parler de façon purement fonctionnaliste, d'autres de façon plus téléologique, voire une finalité dans la nature, d'autres de façon radicalement athéologique. Non, il n'y a aucune finalité dans la nature. Ça, on peut dire que c'est aussi marqué par les grandes époques de l'histoire des idées, qui font qu'à certains moments, on ne peut plus être finaliste et qu'on sera forcément, on adoptera forcément un point de vue qui a évacué toute forme de finaliste et on sera adaptationniste. Donc, il faut replacer, je crois aussi, le discours sur les plantes dans le contexte historique dans lequel ces discours prennent place. Alors, vous citez aussi Florence Burga. Francis Allais, qui est un philosophe également. Qui est un botaniste. Un botaniste qui défend la perspective d'une altérité radicale des plantes. Oui, je lui emprunte en effet ce terme parce que à l'examen, tout oppose la manière de vivre des plantes et la manière de vivre des animaux. Contrairement à ce que pensait Bergson, qui dit que rien ne distingue les plantes des animaux pour ce qui est de leur existence. Alors, Bergson dit que tout est une question de proportion, précisément parce que à un moment, il y a des gradations. On parlait tout à l'heure de ces zones un peu intermédiaires, hein, de ces animaux qui sont à la charnière du végétal et de l'animal, ou de ces végétaux qui sont à la charnière. Donc les animaux seraient des plantes en plus, avec du plus. Avec du plus, mais un plus qui produit de la différence qualitative. C'est le moment où la différence quantitative, en fait, produit la différence qualitative. Puisque Bergson n'attribue pas du tout la conscience aux plantes. Donc Francis Allais, lui, prend le point de vue complètement opposé en disant qu'il y a une sorte d'altérité radicale oui. Qui distingue les plantes des animaux et évidemment des humains. Ça veut dire que elles sont en dehors des concepts qu'on peut utiliser traditionnellement pour définir la vie animale, par exemple. Oui. Et donc, je reviens à ma question initiale, parce que j'ai du mal à comprendre ce qu'on appelle la vie, quand on applique ce terme aux plantes. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont vivantes? On voit qu'elles meurent, mais pas tout à fait, puisqu'elles sont capables de renaissance, voire de résurrection. C'est la présence d'une forme qui se transforme, en fait. Et qui produit de la nouveauté. C'est cette petite pousse. C'est le fait qu'elle devienne, finalement. Qu'elle devienne, qui va grandir, forcir, produire des feuilles, changer de couleur, produire des fleurs, produire des fruits. C'est tout de même en cela que la vie... Donc il y a une temporalité dans la vie des plantes, évidemment. Est-ce que ça veut dire que les plantes ont la sensation du temps qui passe? Non, c'est ça, c'est une temporalité qui n'est pas vécue, c'est une chronobiologie. C'est une temporalité subie, oui, c'est une temporalité physique dont il ne faudrait pas réduire la complexité. C'est-à-dire que la complexité des échanges physico-chimiques, qui n'est pas bien évidemment mon domaine, est extrêmement complexe. Par exemple, a été mise en évidence le lien entre les phénomènes cosmiques et la temporalité des plantes. Donc ça, c'est tout un univers de la physique, de la chimie, qui un univers qui a sa propre complexité, qui n'est pas celle de la vie subjective. Je l'ai dit, vous êtes affecté aux archives Husserl, hein, donc vous connaissez bien ces auteurs. Vous le citez d'ailleurs, vous dites, enfin c'est plutôt Husserl qui dit, la vivre, c'est continuellement vivre dans la certitude du monde. Fin de citation. Et vous précisez, les animaux vivent en ce sens, ils vivent dans cette certitude non réflexive qu'il y a le monde. Le caractère non réflexif de cette certitude signifie qu'elle n'est pas accompagnée d'un « je pense », elle n'est pas une représentation. Donc les plantes ne vivent pas dans cette certitude du monde. Donc si on prend cette définition du vivre, alors elles ne vivent plus, enfin elles ne vivent pas. Plusieurs auteurs permettent en effet de le dire. Bon, citer Canguilhem, hein, un être vivant, c'est un être qui dont meurt, la vie est comprise s'arrête. Entre voilà ce moment de la naissance et la naissance aussi. On peut penser bien sûr à Freud, hein, qui évoque la naissance en particulier de tous les mammifères, hein, cette césure frappante qui fait que le mammifère qui a vécu pendant un certain nombre de mois à l'intérieur du corps de sa mère et qui tout à coup est propulsé dans la lumière, dans un environnement plein d'air, plein de lumière, plein de bruit, et qui tout à coup, Freud parle d'une césure frappante. Donc il y a beaucoup d'éléments qui montrent que ces caractéristiques de la naissance et de la mort vont radicalement changer le sentiment de l'être vivant à sa propre temporalité. Et c'est vrai qu'on peut arriver à la limite à dire que les plantes ne sont pas des êtres vivants. On peut imaginer, ça, je ne sais pas à quoi ressemblerait un monde où tout se serait effondré. Est-ce que il ne resterait pas sur Terre les plantes? En tout cas, elles sont là depuis bien plus longtemps que nous. Elles sont là depuis bien plus longtemps que nous. Je ne sais pas si la bombe atomique peut détruire absolument toute la vie végétale, mais elle détruira toute la vie animale. Donc une sorte là encore de vie pure chez les plantes qui est beaucoup plus résistante que toutes les autres formes qu'on peut lui attribuer. Mais oui, j'aime bien cette expression que vous venez d'employer, de vie pure. C'est-à-dire que la vie des vivants animaux, elle est toujours d'une certaine manière dans l'hétéronomie. Elle est toujours en lien avec quelque chose qui n'est pas eux. La plante, elle est elle-même indéfiniment en relation avec elle-même. Vous citez beaucoup d'auteurs, Florence Burguin, notamment Bachelard, notamment qui cite lui-même Rilke. Vous citez aussi La nausée de Sartre. Le personnage Antoine Roquentin écrit ceci. La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre jusqu'au dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus ce qu'était une racine. J'étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui me faisait peur. Jamais, avant ces derniers jours, je n'avais pressenti ce que voulait dire exister. C'est-à-dire que le contact avec les arbres, ou les plantes en général, peut au contraire nous donner le sentiment d'être plus vivant et d'exister davantage. Alors, peut-être on pourrait se dire que c'est un apax dans la littérature, hein, ce moment, parce que les plantes sont plutôt... crée plutôt autour de nous un environnement apaisant. Mais ce qui m'a intéressé justement, c'est le moment où Antoine Roquentin est absorbé par je peux pas dire sa contemplation, mais le fait qu'il soit absorbé par le regard qu'il porte sur cette racine radicalement immobile, le conduit à avoir ce sentiment d'une existence absolue comme être là, définitivement là, et qui fait surgir en lui donc la nausée. Florence Burguin, la dernière partie de votre livre est consacrée à des questions, disons, de morale et de droit, et vous mettez en exergue deux citations qui m'ont impressionné. La première est une citation de Claude Lévi-Strauss, dans son livre « De près et de loin ». Il écrit ceci « Mai 68 m'a répugné » parce que je n'admets pas qu'on coupe des arbres pour faire des barricades. Des arbres, c'est de la vie, ça se respecte. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça suffit pour juger globalement mai 68? Peut-être pas, mais bon, j'aime bien quand même cette phrase, et je l'ai conservée à cause du... Je l'ai citée à cause de la notion de répugnance. Et aussi François Allais, dont on a déjà parlé, qui écrit « Sait-on à quoi ressemble un chantier d'abattage en forêt tropicale ?» C'est un spectacle répugnant, c'est le même mot, insupportable, qui me fait toujours penser à un viol. Vous comprenez les réactions de ceux qui disent que dans certaines villes, on coupe des arbres pour construire des tramways ou des pistes cyclables? Je les comprends très bien et je me mettrai du côté des arbres. Voilà, je me mettrai du côté des arbres. Pas parce que ce sont des humains ou des animaux comme les autres. Mais je ressens tout à fait... de la répugnance au spectacle de la dévastation des végétaux. Et peut-être qu'il est important que je le dise pour que ce soit bien clair. Le fait que je ne confonde pas les plantes avec des animaux ou des humains ne veut pas dire que les végétaux ne doivent pas être protégés. Je pense simplement qu'ils doivent l'être sur d'autres fondements et que... au moment de trancher, si nous avons d'un côté à préserver, enfin, ce sont des artifices de pensée, hein, bien sûr, ça ne peut pas exister dans la réalité, un arbre ou un animal ou un humain, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Mais ça veut dire que pour les protéger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur attribuer une personnalité juridique, comme le proposent certains, comme on a pu le faire pour des rivières ou pour des fleuves? Alors, moi, je suis un peu réservée, justement, sur ces constructions juridiques qui viseraient à attribuer aux plantes ou à des espaces naturels, alors, des personnalités juridiques. On voit que c'est très très mal reçu l'idée d'attribuer une personnalité juridique aux animaux alors qu'il y a toutes les raisons de le faire, de leur donner des droits sur le même fondement que nous donnons aux humains des droits fondamentaux, c'est-à-dire ne pas être tué, torturé, enfermé. Et donc je suis un peu gênée par le fait que le droit recourt à des artifices juridiques qui seraient ceux que l'on ne veut même pas adopter pour les animaux. Je pense que ça brouille un peu les cartes, mais je pense en même temps que c'est aussi par désespoir que les juristes essaient de trouver des solutions, dans la mesure où depuis les années 1970 et l'émergence des éthiques environnementales, rien n'a fonctionné pour protéger les espaces végétaux, mais comme rien ne fonctionne non plus pour protéger les animaux. Donc, si vous voulez, les juristes essaient de trouver des catégories suffisamment fortes pour instaurer des espaces de préservation intégrale. Et quand vous dites ce genre de choses, vous qui, je le rappelle, êtes directrice de recherche à l'INRAE, qui est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, il y a donc le mot agriculture, quelle résonance ça peut avoir pour l'agriculture, ce que vous dites là? Le fait que couper des arbres, c'est pas bien, c'est répugnant, on pourrait dire la même chose de beaucoup d'autres... Enfin, c'est répugnant, c'est-à-dire c'est le saccage qui est répugnant, voilà, bon... Enfin, je pense qu'il est bien clair, voilà, que pour moi, couper un arbre ou arracher une carotte de terre, ça n'a rien à voir avec tuer un humain ou tuer un animal. Je comprends en revanche que pour des motifs futiles, là où il y a, un olivier qui a 600 ans, on se mobilise pour garder l'olivier, qui a cette espèce de présence un peu qui trône au-dessus de tout. Mais il faut bien voir, en effet, que les collègues aujourd'hui qui défendent des droits à la vie des végétaux, c'est incompréhensible parce que est-ce que ça veut dire que planter du blé sans nourrir c'est mal? Est-ce que ça veut dire que faire un jardin qui demande donc aussi un certain entretien est une chose à proscrire? Enfin, ça me semble dépourvu de sens en soi, en dehors du fait même que il est absolument inenvisageable de sanctuariser toutes les plantes, parce que ça veut dire que plus aucun être vivant ne pourrait se nourrir. Alors on pourrait se dire, peut-être que les plantes souffrent et que quand même on va les manger, c'est ce que fait Volleyball, mais pour immédiatement dire, donc mangeons les animaux. Voilà. Oui. Alors, avant de revenir sur cette question qui est fondamentale, vous citez un philosophe qui s'appelle Michael Marder, qui appelle à un verdissement de la conscience. Il a écrit un livre qui s'appelle Pour un phytocentrisme à venir. Qu'est-ce qu'on appelle le verdissement de la conscience? C'est justement d'étendre l'idée que tout souffre et alors, qu'il faut avoir une sorte d'empathie généralisée. Alors non, pas du tout. Et il est le seul à. Enfin, c'est vraiment son concept. Hein, on ne le trouve pas ailleurs. Non, il ne milite pas du tout pour la défense des plantes, il ne pense pas du tout que les plantes souffrent, tout ça ne l'intéresse pas du tout. Il dit que les plantes, le modèle de la plante, qui précisément se diffracte, est à même de faire exploser tous les schémas de la métaphysique traditionnelle qui est donc zoomorphe, hein, qui prend comme point d'ancrage le modèle de l'organisme psychobiologique individué. Et c'est ce modèle-là qui, semble-t-il, lui est absolument insupportable. Et il dit que nous devons retrouver la plante en nous et que ce qu'il appelle le verdissement de la conscience, c'est donc la tentative à laquelle nous devons essayer de nous livrer, de rechercher la couche végétale de notre cerveau. Je ne comprends pas très bien, au fond, quelles sont ces visées, y compris morales et politiques. Et vous consacrez un dernier chapitre à la souffrance des plantes, qui est, dites-vous, le nouveau contre-feu à la cause des animaux. C'est un peu ce que vous venez de dire là, mais est-ce qu'on peut préciser en quoi l'argument que les plantes souffrent finit par rendre quasiment vaine la lutte pour améliorer la condition animale? Il y a quelques années, les personnes qui voulaient se moquer de celles qui étaient devenues végétariennes leur disaient Et pourquoi pas le cri de la carotte pendant qu'on y est? C'est-à-dire, toi, tu t'appesantis sur le cri des animaux en train de mourir, et pourquoi pas le cri de la carotte? Et c'était évidemment une manière de dire le cri de la carotte, ça n'existe pas. C'est aussi grotesque d'en tenir compte que si... Enfin, tenir compte du cri des animaux est aussi grotesque que de tenir compte du cri de la carotte qui n'existe pas. Tout ça n'existe pas. Et aujourd'hui, on assiste à un mouvement inverse. Oui, la carotte crie, comme les animaux. La conclusion n'est pas ne manger ni plantes ni animaux, mais c'est vous pouvez donc manger absolument ce que vous voulez. Puisque tout le monde crie. Puisque tout le monde crie. Et ça, on l'entend vraiment de plus en plus souvent. Je pense que c'est évidemment de la pure mauvaise foi, du mensonge à soi. Mais on entend maintenant beaucoup dire « Ah mais moi, je mange des animaux et des plantes en les respectant. » Alors c'est toujours ce « en les respectant ». Donc on se demande évidemment ce que peut bien vouloir dire un respect qui inclut la mise à mort de l'être. Mais la question se pose de la même façon qu'il s'agisse de plantes ou d'animaux. Manger avec respect un morceau de viande ou une plante, c'est assez mal défini. Eh bien oui, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire manger avec respect? C'est-à-dire qu'on peut respecter la nourriture qu'on nous a servie, voilà, en se tenant bien, en l'appréciant, en ne la mettant pas à la poubelle. Mais l'individu qui a été sacrifié pour être mangé, on ne peut pas dire qu'on l'a traité avec respect. Donc comment se sortir de cette sorte d'amalgame qui conduit à une sorte de confusion qui elle-même impose des règles qui semblent impossibles à tenir? Oui, d'ailleurs, aucun des collègues qui défendent l'idée d'une souffrance des plantes n'enjoint à cesser de manger les plantes. Non, ils disent au contraire, soyez des carnivores sans aucun état d'âme. Donc, je crois qu'on s'en sort très facilement. C'est-à-dire que les végétaux ne ressentent pas la souffrance. Bon, on les a suffisamment décrits au préalable. Il en va tout autrement des animaux. Donc, si nous devons avoir une véritable conscience morale face à ce que nous allons manger, c'est est-ce que nous mangeons des plantes qui sont cette vie indéfinie qui recommence, ou est-ce que nous mangeons des êtres qui n'ont qu'une vie à vivre, qui sont nés, qui vivent le peu de temps qu'on sait dans les conditions qu'on sait et qu'on tue dans les conditions qu'on sait? C'est évidemment là que le problème moral se pose. Est-ce que c'est comme cela qu'il faut comprendre la dernière phrase de votre livre, Florence Burga? Vous écrivez « Cette vie, la vie des plantes, qui ne meurt que pour renaître, est le contraire d'une tragédie ». Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc on a le droit de les manger? Oui. Merci Florence Burga de nous avoir livré cette conclusion que je trouve finalement assez rassurante. Merci à vous. Je recommande la lecture de votre livre « Qu'est-ce qu'une plante ?» essai sur la vie végétale qui vient de paraître au Seuil. J'ai une petite anagramme pour vous. La condition animale, ça donne inaction mondiale. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Benjamin Vignal et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Olivia Gesbert pour En français dans le texte.